à l'envers. Les gens ont le matériel et sont plein de problèmes dans leur tête. Ça, c'est l'homme inconscient. Quand tu commences à te conscientiser, tu commences à souffrir dans ta tête pour éliminer les problèmes dans ta tête, puis tu n'as pas de matériel, puis tu n'es pas intéressé à ça, anyway, quand tu souffres trop dans ta tête. Et quand c'est fini, ça, c'est clair, cette affaire-là, puis tu vis plus, tu souffres plus psychologiquement, tu as besoin de quelque chose pour balancer tes vibrations. C'est là que ça rentre en jeu de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que toi, tu as besoin de la paix parce que tu as encore des problèmes. C'est quand tu n'auras plus de problèmes, c'est plus de la paix que tu auras besoin, ça sera de l'argent. Comprends-tu? Moi, j'ai plus besoin de paix. Moi, je peux en vendre. Ce que j'ai de besoin, moi, c'est des objets. Un hockey. Comprends-tu? Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin, toi? Y en a-t-il parmi vous autres qui ne souffrent plus dans leur tête? Psychologiquement, qui ne souffrent plus. Ils sont bien, ça. Lève-nous des bras. J'aimerais ça avoir des bras de fond. Soyez pas gênés. Donne-moi en pas plus qu'il en faut. Toi, tu souffres plus dans les autres. T'es bien dans ta tête. T'es bien. T'as atteint un plateau. C'est comme un plateau. T'es bien, t'es rendu ça. Non, pour rien. Quels sont ceux qui sont capables de passer deux semaines là, sans souffrance dans la tête? Deux semaines. Sans aucun changement vibratoire, là, tu es toujours bien. Quand je dis être bien ici, là, c'est. Hein? Oh, tu connais pas ça encore. Tu connais pas ça. Hein? Heureux. T'es encore heureux. Ah, il manque une chose. On appelle ça une tête heureuse. C'est une tête heureuse. Quoi? C'est l'habitude que ce que j'apprends actuellement, ou que j'entends, c'est ce qu'il faut. Ouais. Quand tu vas savoir ça, là, tu vas être bien. Oui. Toi, Yvon, commence, t'as pas de problème dans ta tête, hein? Tout est bien. Bon, lui est bien. Parce que c'est bien particulier être bien. Bien particulier être bien dans sa tête. Être bien dans sa tête, là, ça veut dire ne pas être dans sa tête. Ça marche, hein? Ça veut dire que tu n'es pas dans ta tête, tu n'es jamais dans ta tête. Tu es toujours à l'extérieur, ici, là. Tu n'es jamais dans ta tête. C'est là que t'es, c'est dans ce temps-là que tu es bien. Montre-moi donc des mains. Toi, ouais. Mais. Toi ici? Ça m'est arrivé, mais c'est pas constant. C'est pas constant, c'est ça. La plupart de vous autres, c'est que ça vous arrive, mais c'est pas constant. Vous êtes bien, vous avez une période, là, mais c'est pas tout le temps. Quand ça va être tout le temps, c'est ça ce point-là que je veux faire là, dans la finition, c'est quand ça va être tout le temps, ça, ils vont être obligés de canaliser vos énergies sur le plan matériel. Quand tu n'as plus de problème ici, là, que le travail, puis qu'il n'y a plus rien qui se fait ici, là, parce que tu es bien, là, tout est stabilisé, le mental et l'émotionnel, et tu es conscient, tu es dans ton intelligence. Là, tu es obligé de canaliser tes énergies sur le plan physique, sans ça, tu vas avoir des tensions. Peut-être que tu es obligé d'aller en vacances de temps en temps, en voyage de temps en temps, ou t'acheter une pièce de quelque chose de temps en temps. Tu es obligé de toujours constamment balancer tes vibrations. Pis c'est là que le facteur de temps entre en jeu. Pis c'est là que c'est important pour vous autres de savoir, quand vous n'avez plus rien ici, là, quand vous n'êtes plus dans votre tête, c'est là que c'est important pour vous autres de savoir qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie pour être bien, pour canaliser extérieurement vos vibrations. Ça a-tu du bon sens? Ça se comprend-tu, ça? Oui. Parce que des fois, je ne comprends pas si ce que je dis, ça se comprend. Fait que tant que tu as des problèmes ici, autrement dit, tant que tu as du matériel ici, tant que tu n'as pas ton plafond ici, que tu n'es pas totalement, pas ton plafond, mais ton plateau ici, là, tu n'as pas le temps de t'occuper de ce que tu as besoin dans ta vie. Mais quand c'est fini ici, puis tu es bien correct ici, là, c'est important pour vous autres de commencer à regarder ce que vous avez de besoin dans votre vie. Et à ce moment-là, c'est là que devient important ce que j'appelle l'idée fixe. L'idée fixe est une forme pensée qui vient de l'intelligence et qui vous nourrit émotivement et mentalement. Elle vous nourrit émotivement et mentalement. Mais vous ne pouvez pas la concrétiser avant le temps. Parce que cette pensée-forme-là ne vous appartient pas. Elle n'est pas créée par votre corps de désir. Elle est créée par l'intelligence en vous. Et cette forme pensée-là, elle est un marqueur sur votre map temporelle. Ça veut dire, cette forme pensée-là, là, c'est pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans. Fait que ça, ça vous fait voir que dans un avenir quelconque, puis d'ailleurs, vous pouvez le demander, ils vont vous le dire, dans un avenir quelconque, cette chose-là que vous avez besoin pour balancer vos vibrations, vous allez l'avoir. Et je sais par expérience que ce qui est le plus important pour l'homme qui se conscientise et qui sort psychologiquement du système, la chose la plus importante dans la vie en général, c'est d'avoir dans le temps, pas nécessairement la semaine prochaine, mais dans le temps, une place sur la planète où il y a une maison et un terrain qui est sous son contrôle vibratoire. Parce que quand l'homme devient extrêmement sensible, il ne peut plus vivre en ville. Il y a trop de bruit. Il ne peut plus voir de voisins inconscients, puis ça crée des tensions. Il est suffisamment centrique pour pouvoir vivre dans un environnement fermé sous son contrôle. Il est suffisamment centrique pour pouvoir vivre en campagne sans s'ennuyer des clubs en ville. Parce que vivre en campagne, quand tu es conscient, c'est pas comme vivre en campagne par habitude. Il y a des gens qui vivent en campagne par habitude. Le pays vit en campagne, puis le grand-père est en campagne. Mais quand tu as vécu toute ta vie à Hollywood, puis à New York, puis à San Francisco, puis à Montréal, il faut que tu vives en campagne, c'est pas la même chose. Il faut que tu sois bien centré, que tu es corps bien balancé, puis suffisamment dans ton intelligence créative pour pouvoir trouver sur ton petit hawk, sur ta petite terre, des choses à faire tout le temps. Parce que c'est comme ça que tu vas balancer tes vibrations. Parce que plus le climat politique va changer, plus le climat économique va changer, plus la planète va devenir petite pour vous autres. Puis il va venir un temps que vous allez avoir qu'elle est petite en maudit. Puis le seul endroit sur la planète où vous allez être totalement bien, parce que dans votre tête, il n'y aura plus de problème, vous allez être tout stabilisé. Le seul endroit sur la planète où vous allez être bien, ça va être chez vous. Sur votre terrain, avec vos arbres autour, puis votre petite cabane là. Fait que c'est bon pour vous autres, éventuellement, quand vous commencez à cesser d'avoir des problèmes ici, de commencer à regarder, parce que vous allez être obligé, parce que vibratoirement, vous allez être obligé de recanaliser votre énergie. Parce que quand vous êtes inconscient, vous canalisez votre énergie dans votre job, puis votre patron, vous faites plaisir à votre patron, puis monter en grade dans la compagnie. Et quand tu te conscientises, tu n'es pas intéressé à monter en grade dans la compagnie, tu es bien plus intéressé à te dégrader pour avoir la paix. Fait qu'à ce moment-là, quand tu commences à te dégrader pour avoir la paix, tu es simplement intéressé à avoir ton salaire pour survivre, ton énergie, elle, mentale, puis émotive, que tu te servais avant pour te grader, puis devenir président, puis vice-président, puis chef d'entreprise, tu la canalises ailleurs, tu la canalises vers la personnalisation de ton activité créative, puis la façon la plus près de l'homme de personnaliser son activité créative quand il est conscient, c'est de se créer dans le temps quelconque une forme qui éventuellement se concrétise dans une maison et un terrain. Sa tête et sa cabane. Là, c'est normal, peut-être que ça ne vous intéresse pas d'avoir une maison et un terrain parce que vous êtes en ville, vous avez vos activités, vous allez au jeu, vous allez au club, vous avez suffisamment de choses qui vous permettent de canaliser vos vibrations. Et il va venir un temps où vous n'aurez plus la ville, vous ne serez plus capable de canaliser vos vibrations en ville parce que la ville va vous créer des tensions, parce qu'il y aura trop de violence psychologique. Il y en a-t-il qui commencent à sentir ça, la violence psychologique en ville? Fait qu'il va y avoir trop de violence psychologique en ville. Fait que vous allez être obligé de vous retirer dans un environnement où il n'y a pas de violence psychologique, puis ça, c'est en campagne. N'importe où, en campagne. Puis rendu dans ce temps-là, il va y avoir bien du monde en campagne, puis vous allez vous rencontrer, faire des petits parties, puis jaser, puis ça va être, vous allez vous rencontrer, vous allez faire des amitiés, vous allez vivre rien de ça demain. Vous n'irez plus d'être là. Fait qu'à ce moment-là, si votre vie est totalement changée dans ce temps-là, à cause de votre niveau de conscience, à cause de votre sensibilité vibratoire, vous allez être obligé de totalement réorganiser votre vie comme vous ne l'auriez pas pensé avant la conscientisation. C'est pour ça qu'à un certain moment, c'est important pour vous autres, quand vous n'avez plus rien dans la tête, que vous ne vivez plus dans votre tête, mais que vous vivez dans l'extérieur, de regarder ce que vous avez besoin dans le temps pour balancer votre vibration. Puis c'est là que vous allez commencer à concrétiser votre avenir et que vous allez commencer éventuellement à bâtir pour l'avenir dans son temps. Les autres vont peut-être te dire, bon, dans 5 ans, puis toi, tu ne le vois pas tout de suite dans 5 ans, mais tu sais que c'est dans 5 ans, puis un bonjour, ta belle-mère meurt, puis tu vois si ça vient ça dans 5 ans. C'est ça. Fait que vous allez savoir quoi faire dans 5 ans. Mais pour ça, il faut comprendre qu'il faut travailler avec le temps, c'est-à-dire ne pas laisser notre émotivité, notre intellect entrer là-dedans, parce que là, vous allez avoir des tensions, vous allez vouloir faire des mouvements avant le temps, vous allez vouloir emprunter de l'argent avant le temps, vous allez faire des gaffes, vous allez acheter une maison qui n'est pas correcte, le salaire, je vais vous péter des mains. Le temps. Ça, ça fait partie de l'intelligence. L'avenir, votre avenir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça change. Il y en a de l'eau qui passe en dessous du pont dans 5-10 ans. Ton père, il doit penser ça, une petite maison quelque part, dans l'enfant, hein, ton père, il va. Parce que quand on est quand on se conscientise, on n'est plus capable de contrôler notre sensibilité. On la vit, notre sensibilité, on n'est plus capable de la contrôler. Tu peux pas dire comme avant, ben avant, le gars, il joue du rock'n'roll à côté de chez vous, tu t'en vas, tu l'engueules ou t'es pas dit, puis tu dis, ben, baisserais-tu ta musique un petit peu? T'es même plus capable de sentir le fait qu'il est là. T'es même plus capable de sentir qu'il y a un gars là, à côté de chez vous, qui est inconscient, puis de temps en temps, parce que tu vis 5 et vivre. Peut-être qu'un soir, tu vas être à 3h du matin, puis il va te péter ça du rock'n'roll, puis Elvis Presley dans les oreilles. Fait que tu vis une tension. Parce que ta conscience est tellement éveillée que ta conscience subliminalement t'envoie des messages que peut-être dans 2 semaines, il va faire un vacarme à côté. Ça va loin, la conscience. Fait qu'éventuellement, tu es obligé de créer une boîte fermée complètement où tu sais que jamais tu vas entendre du bruit du voisin à côté. Ça va loin, l'affaire de la conscience. C'est pour ça que je dis, quand plus tu es conscient, plus tu es névrosé. Moi, je suis névrosé au bout. Cœur. Mais je me crée un environnement qui est totalement à la mesure de ma névrose. Chez nous, c'est bien tranquille. Bien tranquille, bien grave. Puis on en arrive éventuellement à ça. Mais c'est le temps qui est le facteur. Je vais finir en douce, parce que j'ai assez crié à soir. Mais... Tu peux pas travailler avec le temps tant que tu n'es pas intelligent. Faut être intelligent pour travailler avec le temps. Aussitôt que tu commences, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas ne pas savoir des aspects de ton avenir. Comment ça serait dans 10 ans? Tu le sais, ça. Plus tu avances dans le temps, mais plus tu en as certitude. Parce qu'éventuellement, plus tes vibrations changent tellement que tu arrives au point de la crise. Il y a une crise. T'es plus capable de rester en ville. T'es plus capable. Ça devient un phénomène de crise. C'est vibratoire. T'es plus capable. T'es obligé de partir. Alors là, c'est parce que le temps approche. Là. Le temps, parce que quand tu te conscientises, t'en arrives jamais à... Tu savais que dans le mouvement de la conscience, dans la vie de l'homme, conscient ou inconscient, une maison, c'est... Il y a des événements dans la vie de l'homme qui sont très importants. Le mariage, c'est bien important dans la vie d'un homme. Je parle d'un homme et d'une femme. Alors, dans la vie de l'homme, le mariage, c'est très important, et la maison, c'est très important. C'est deux choses, là. C'est bien important. Ce sont des points de référence clés. Puis quand tu te conscientises, bien, c'est encore plus important. Fait que si t'es pas marié, quand tu te conscientises, c'est bien important dans le temps que tu aies un homme, un mari ou une femme qui est ta longueur d'onde. Parce que ça situe, ça organise le problème de la compagnie. Parce que quand tu es conscient, c'est bien important d'avoir une compagne qui fonctionne en relation vibratoire avec toi et qui est harmonieuse. Puis la deuxième, c'est ton domicile. Mais on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas, que demain, on ne souffrira pas de ça. C'est pas parce que ça fait 5 ans que tu es seul que dans 5 ans, tu ne voudras pas avoir quelqu'un sans la même longueur d'onde que toi. Parce que là, ça fait 5 ans que t'es seul, parce que t'es pas un maudit cadeau. Et tu peux pas être avec quelqu'un, t'es pas vivable. T'es une vieille fille, puis t'es un vieux garçon. T'es pas vivable. Mais dans 5 ans, tu vas être vivable. Aussitôt que tu vas être vivable, il y a d'autres vibrations qui vont rentrer avec toi. Et là, tu vas avoir besoin de la compagnie. Fait que les vieux garçons et les vieilles filles, découragez-vous pas. Puis au niveau de la maison, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est un petit appartement sur la rue Saint-Hubert, aujourd'hui, que t'es bien content, puis il y a des murs, puis des nets de poissons là-dedans. Puis des lumières rouges. Les chansons de Ginette Renaud. Parce que dans 5 ans, là, les nets de poissons, puis les petites lumières rouges, là, ça va changer tes vibrations. Fait que découragez-vous pas. Quand on se conscientise, on devient névrosé. C'est vibratoire la conscience, c'est pas psychologique. Ça, c'est toutes des lois universelles. C'est bon pour vous autres de savoir, de voir un petit peu dans l'avenir. De sentir, parce que vous allez passer peut-être de percevoir au niveau du sentiment, à moins que vous ayez un contact, je vous parle. De percevoir, de savoir ce que vous avez de besoin, pas ce que vous voulez, ce que vous avez de besoin, ça coïncide avec ce que vous voulez après. Parce que ça va vous donner du courage, ça va vous encourager à supporter le fardeau de votre transmutation. Au moins, vous allez savoir que dans quelques années, aujourd'hui, tu as du problème, tu as des problèmes avec ta plomberie chez vous, ton propriétaire, puis payer des salaires ou des loyers à quelqu'un qui va mettre ça lui dans sa poche. Au moins, tu vas avoir le plaisir de savoir que demain, bon, mais ça va être ce que tu vas payer comme loyer, ça va aller dans ta poche. Moi, je suis totalement pour ça. Le domiciliaire personnel, totalement pour ça. Ceux qui ont des maisons à eux autres, là, même s'ils ont des tchacs, ça n'a pas d'importance. Une maison à toi, c'est une maison à toi. Vendez-les pas vos tchacs. Vous avez des maisons à vous autres, là, avant d'aller vivre dans un loyer, là, pensez-y bien, à moins que ce soit une situation transitoire. Mais pensez-y bien. Regardez-les bien, cette affaire-là. Ou à moins de la vendre pour une autre maison à vous autres, d'ailleurs. Mais si vous avez une maison à vous autres déjà, vous êtes des gens déjà chanceux. Puis les peuples qui ont beaucoup d'expérience, comme les Italiens, puis les immigrés qui partent d'Europe et qui s'en viennent ici, la première chose que tu sais, ils ont leur cabane. Va à Montréal-Nord, who owns it? La mafia. Ils ont toutes leurs cabanes. Ils ont toutes leurs maisons. Ils ont même peinture en vert, en blanc, en rouge. Ils ont leur maison. C'est une des premières choses qu'ils font, parce que ces gens-là ont un grand instinct de territorialité. Qu'on n'a pas nous autres parce qu'on est un peuple en Amérique extrêmement mobile. Mais les peuples qui ont souffert de la guerre, puis qui ont souffert d'enlèvement, puis qui ont souffert d'expropriation par les gouvernements en temps de guerre, et ainsi de suite, ils savent qu'est-ce que c'est, ça. Fait qu'ils sont bien plus conscients. Quand ils arrivent en Amérique, puis qu'ils voient des maisons comme on a ici, pour des prix fous comparés à ce qu'ils paient en Europe, je te jure que c'est pas long qu'ils se prennent une décision. Nous autres, on trouve ça cher, des maisons 50, 60 000 piastres. Les autres, les mêmes maisons là-bas, ça coûte des 200 000 piastres. On est gâtés, nous autres, ici au Canada. Là, ça commence à monter les loyers, là. Mais avant, pendant jusqu'à l'expo, là, tu avais des loyers à Montréal, des 4,5, des 5,5 pour 200 piastres par mois. Va à New York, va avoir les mêmes loyers avec des coquerelles dedans, comment est-ce que tu payes pour? On est très gâtés, ça. Là, ça commence à monter les prix, ça devient international. Ça devient quasiment aussi cher qu'ailleurs, puis ça va monter les prix. Hein. Pour un 4,5, vous allez payer des 500 et des 600 piastres par mois, puis des 700 piastres par mois. Tout à l'heure, vous allez commencer à vous acheter une petite cabane quelque part. Payer une hypothèque du même prix. Parallèle. C'est bien avancé, ces affaires-là. Bien beau parler du cosmique, de la psychologie de l'intelligence, mais il faut parler aussi des choses qui sont très près de nous autres. C'est le matériel. Et éventuellement, je vous indiquerai une personne si vous voulez acheter des maisons en campagne. Une personne au moins avec laquelle vous pourrez agir en toute confiance. C'est bien important pour nous autres dans l'avenir d'être intelligents parce que l'avenir économique au Québec s'en vient très difficile, comme vous savez. Très difficile. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que c'est notre attitude qui doit être altérée. Une fois qu'on sort de nos attitudes, on se libère d'un enchaînement économique. T'en souffres plus de l'économie quand tu as changé d'attitude. Quand tu rentres dans ton intelligence, mais il y a le facteur de temps qui entre en jeu. Fait qu'ils vont, ils vont pas tous vous mettre sur un plat d'argent, mais ils vont vous présenter un plat d'argent demain. Vous avez un qu'à attendre demain. Mais au moins, vous savez que demain, pour vous autres, il y aura un plat d'argent. Mais vous passerez par les péripéties, c'est-à-dire vous passerez par tout l'acheminement du changement de vos vibrations au niveau mental et émotionnel pour en arriver à ça. Parce que demain, votre plat d'argent, il sera vécu, connu, réalisé, expérimenté, selon les lois d'une autre conscience qui ne convient pas à votre conscience d'aujourd'hui. L'homme conscient ne peut pas être pauvre. C'est pas ça. Un homme qui est pauvre, c'est un homme qui n'est pas conscient. Il ne s'agit pas d'être riche à craquer, mais il s'agit d'être à l'aise et d'avoir ce qu'on a besoin pour bien vivre, c'est-à-dire pour bien balancer nos vibrations. Ça fait partie de l'intelligence de l'homme.